Chapitre 12, deuxième prodige de la multiplication de la farine. La bienfaisance de la bienheureuse Germaine pour l'avantage temporel de cette maison n'en demeura pas là. À la multiplication du pain succéda la multiplication de la farine. En octobre de cette même année 1845, il vint à la maison 360 mesures de blé qui, moulues et réduites en farine, fut portée en deux fois au monastère, savoir le 22 d'octobre et le 13 novembre. Dans la crainte que le grenier à farine ne fût pas assez fort pour supporter un si grand poids, on n'y mit que les 300 premières mesures, et les 60 autres furent rangées dans une autre pièce. Il y avait cependant une certaine petite quantité de vieille farine qui fut employée pour faire le pain la première fois, et ainsi ce ne fut qu'à partir du 4 novembre qu'on commença à faire usage de la nouvelle farine. Nous avons dit ci-dessus, en parlant du premier miracle, que le pain se faisait habituellement dans cette maison tous les 5 jours, ce qui revient à 6 ou 7 fois le mois, et que chaque fois, il fallait pour chaque fournée 24 corbeilles de farine, qui correspondent pareillement à 24 mesures, d'où il suit que dans les 6 fois seulement devaient se consommer 144 mesures, et chaque mois 150 mesures environ. Tous les témoignages s'accordent parfaitement sur ce point. Ainsi la sœur économe. Ordinairement, il se consommait par mois, dit-elle, 150 mesures de farine. Et la sœur assistante, je sais que les mois précédents, il se consommait par mois 150 mesures de farine. Et enfin la supérieure, il se consommait ordinairement 150 mesures de farine par mois dans la maison. Cela posé, il s'ensuit par une rigoureuse conséquence que les 300 mesures de farine mises dans le grenier et que l'on commença à employer le 4 novembre, devait naturellement être épuisée totalement dans les premiers jours du deuxième mois d'après, c'est-à-dire de janvier. Et cependant, elle durait jusqu'au commencement de février. Ce fut donc 150 mesures nouvelles ajoutées miraculeusement, ce qui était à point nommé ce dont on avait besoin, puisque la farine ne commença que vers cette époque à diminuer de prix. Cette nouvelle faveur de la bienheureuse Germaine, ajoutée à la précédente multiplication de la pâte, ranima et augmenta de beaucoup la foi des religieuses et les encouragea à espérer encore une plus grande assistance. La supérieure fit encore faire de plus ferventes prières par toute la communauté. Elle laissa suspendre dans le grenier la médaille de la vénérable, et elle se recommanda avec une ferme confiance à elle chaque jour. Ainsi, Dieu se plut à exalter les mérites de sa servante et à récompenser la foi de ses religieuses.